Même j'ai. Tout d'abord, bienvenue à tous et grand merci de votre présence. Thomas Bokoujibo et moi-même sommes très heureux de voir aboutir un projet qui nous tenait à cœur depuis maintenant presque un an et dont je voudrais rappeler brièvement la forme et les enjeux au moment de commencer nos travaux. Avant tout, je tiens à remercier les institutions qui ont permis la tenue de ces colloques et à travers elles, bien sûr, les personnes qui les font vivre. L'équipe de Sophia Poal, de l'Université Paloise Nanterre, l'école doctorale Centre 9 de cette même université, les collèges des écoles doctorales de l'Université Paris en Sorbonne et enfin les laboratoires de philosophie contemporaine dans sa composante nosophie de cette même Université Paris en Sorbonne. Le lien entre normes sociales et processus cognitifs qui sont à l'œuvre dans leur construction nous invite à analyser d'une part les processus de construction de ces normes et d'autre part la représentation de leur domaine de validité. Comment les normes sont-elles engendrées et comment conditionnent-elles les individus qui discutent de leur pertinence? Nous avons choisi d'aborder cette question en mettant en relation les concepts de normes et d'institutions. S'il est nécessaire et profitable de se poser la question de la socialité des normes, la réflexion qui s'engage dès que cette question se décline dans le registre des normes instituées dépasse évidemment le cadre d'une connaissance purement descriptive du phénomène normatif et demande que l'on considère aussi les statuts diversifiés en fonction des domaines, des pratiques dont ces normes résulteraient. Comme on l'a rappelé hier Thomas Bokoujibo, il nous semble que se joue à travers ces deux notions de normes et d'institutions la question décisive du rapport de la théorie à ce qu'on pourrait désigner son dehors, ou peut-être mieux son envers, à savoir les actions. Il y a dès lors à s'interroger sur la manière de concevoir l'articulation entre réflexion normative et l'action elle-même. Mais à cet égard, rien ne serait sans doute plus illusoire, nous semble-t-il, que de croire qu'une telle articulation puisse aboutir à une théorie générale des normes. Ce serait en effet intégrer des forces dans les discours théoriques, ceux dont au départ on avait reconnu qu'il était extérieur. Cette articulation serait donc concevable, mais proprement informulable, sous peine de perdre la référence faite au concept d'institution, sorte des barrières entre théorie et action. C'est en ce sens que la notion d'institution s'imposait aux côtés de celle de norme. Non pas sans doute, à vrai dire, à la manière d'une superstructure destinée à clore métaphysiquement et définitivement l'édifice général de nos représentations et de nos actions, mais plutôt comme un outil heuristique, une méthode peut-être, destinée à nous orienter dans les interactions sociales et l'activité de réflexion normative. D'où finalement les différents axes retenus pour ces colloques. La journée d'hier a été consacrée à l'étude des normes empiriques effectives des gouvernements telles qu'elles peuvent être saisies par les droits. Deux perspectives d'analyse ont été approfondies au cours de la séance. Dans un premier temps, on s'est penché sur la manière dont les juristes praticiens apprennent les transformations intervenues dans les modes de fonctionnement des institutions publiques, avec l'opposition entre réglementation et régulation. Un rapport semble exister entre ces typologies normatives différenciées et les cadres institutionnels dans lesquels ces normes s'inscrivent et tirent leurs propres spécificités. La question demeure alors de savoir si ces changements de paradigme normatif n'entraînent de par lui-même une transformation dans la manière d'apprendre nos institutions publiques ou si au contraire la notion d'institution ne pouvant faire en elle-même l'objet d'une modélisation est à tel point souple qu'elle qu'en dira évanescente qu'elle permet de mettre en question la radicalité de ces transformations. Dans un deuxième temps, on a approfondi l'approche que la théorie juridique propose du rapport entre normes juridiques et institutions. Les débats portaient en particulier sur la question de savoir si les concepts d'institution recouvrent précisément une réalité dont la théorie juridique aurait à se saisir, ou étant au fond moins un concept qu'une idée, son usage se révèle en fait pour une réflexion rationnelle à la fois inopérant et inopportun. La séance d'aujourd'hui se situe dans les champs de la philosophie sociale et politique, proprement dite, et nous nous interrogerons sur les enjeux généraux des conceptions, des normes et des institutions. Mais la perspective sera encore une fois théorique et pratique en même temps, dans la mesure où les enjeux ne seront pas seulement épistémologiques, mais aussi, et peut-être d'abord, moraux et politiques. Ainsi, cette entrée dans les champs de la philosophie se fera essentiellement à partir de quelques conceptualisations majeures de ce que l'on pourrait appeler l'institutionnalisation du social. qu'elle soit classique chez Hegel ou Durkheim, ou plus récente chez Hayek, Luhmann et la théorie sociale de l'école de Francfort. S'il fallait pour finir synthétiser brièvement ces programmes, on pourrait les tenter de la manière suivante. Nous examinons d'abord les transformations actuelles des normes juridiques, ensuite les conditions de possibilité de leur conception, et enfin la nécessité pratique ou axiologique d'une telle réflexion sur les institutions. D'aurait le nécessaire, en passant par les possibles, nous aurons tous les moins parcouru alors la typologie kantienne de la modalité, ce qui, pour un philosophe, n'est pas un mince résultat, peut-être.